Avant ceci, trois séries de panneaux m'ont averti de la possibilité de rejoindre Auxerre par la route ou par l'autoroute. Ma position sur la route ne m'autorise pas à me rabattre rapidement à droite afin de prendre la sortie 29. Je suis dans la bonne direction pour rejoindre Auxerre par l'autoroute, mais je suis très mal placé sur la chaussée. Je n'ai absolument rien à faire dans la voie de gauche, d'autant plus que je n'aperçois personne dans le rétroviseur. Je dois me rabattre progressivement dans la voie de droite. Réponse B et D.